السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des cours sur le tafsir de Juz Tabarak, de la partie de Tabarak. Et par la louange, Allah subhanahu wa ta'ala, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons commencé Surat Al-Haqqa, celle qui montre la vérité inévitable. Et comme nous avons pu le voir dans les débuts de cette surah, cette noble surah, cette immense surah, qui nous parle de l'haqqa, l'inévitable, celle qui, c'est-à-dire l'heure qui montre la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrit et nous a mentionné les différents peuples qui ont traité de mensonges, al-haqqa, qui ont traité de mensonges, al-qari'a, le cataclysme, le jour du jugement, parmi eux les Thamoud et les Ad. Et nous avons parlé, alhamdulillah, pour celui qui veut revenir dans le cours précédent, l'histoire des Thamoud et des Ad. Donc on continue, inshallah, ainsi que Fir'aoun, aussi, et Wal-Mut'afikat, les villes renversées. Et nous en sommes arrivés au verset numéro 11. Donc on continue, inshallah, ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. C'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche. Nous avons chargé sur l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de l'arche, l'histoire du récit de Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers son peuple, car son peuple était tombé dans l'association et dans la mécréance. Ils adoraient des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils faisaient des personnes pieuses et vertueuses des idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah, comme le diable, le shaitan, leur avait suggéré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya alors son messager et son prophète Nuh alayhi salam, afin de les inviter à n'adorer exclusivement Allah seul sans rien lui associer, et de mettre en garde contre l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc Nuh alayhi salam les invita donc à cela, mais son peuple lui désobéit. Et ils se sont même entêtés, et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ces noms-là, comme disent les savants, c'était des personnes vertueuses, des hommes vertueux, des hommes pieux. Et au fur et à mesure, le shaitan a suggéré au peuple avant Nouh, bien avant Nouh, de commencer à sculpter ces personnes, à en faire des statues, et au fur et à mesure à leur donner des noms, et au fur et à mesure à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le peuple de Nouh, Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, wa Suwa'an, wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasra. Elles ont déjà égaré plusieurs, ne fait croître les injustes qu'en égarement. Donc Nuh alayhi salam ne cessa de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant toute forme de prédication. Hein? Il les appela à Allah subhanahu wa ta'ala de nuit comme de jour, secrètement et publiquement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Nuh, قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Nuit. Malgré cela, ils ont refusé. Et Nuh alayhi salam demeura parmi eux même 1000 ans moins 50 années, c'est-à-dire 950 ans, en les appelant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la patience de Nuh alayhi salam. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ankabut, verset 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui informa que ceux qui croiront en lui seront très peu nombreux, alors Nuh alayhi salam invoqua contre eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses, c'est-à-dire si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna ensuite de construire l'arche, hein, qui s'est fait de bois, qui est fait de bois et de planches, et qui n'était équivalent à aucun autre, auparavant très grand et très large. Pour celui qui veut revenir, Inch'Allah ou Ta'ala, il y a beaucoup de paroles sur la description de l'arche, chez les paroles des savants. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna la science pour le construire, donna la science à Nuh alayhi salam, afin de le construire, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Nuh alayhi salam le construisit donc par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la promesse d'Allah azza wa jal d'anéantir son peuple arriva, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au ciel de pleuvoir une eau torrentielle et ordonna à la terre de jaillir en source. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qamar, la lune, versets 11 et 12, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Fin du verset. Subhanallah, jusqu'à ce que l'eau s'éleva au-dessus de montagnes. Imaginez-vous, subhanallah ta'ala, hein, jusqu'à ce que l'eau s'éleva au-dessus des montagnes. De tous les côtés de la terre, l'eau avait jailli. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Nuh alayhi salam d'embarquer sur l'arche et de prendre avec lui un couple de chaque espèce pour préserver la descendance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Hud, verset 40, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورِ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثنين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge, c'est-à-dire dans l'arche, un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonna à Nuh alayhi salam hein, de le louer et d'être reconnaissant hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir donné et soumis l'arche afin de le sauver du châtiment dirigé contre son peuple. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate les croyants, versets 28 et 29, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Donc Nuh alayhi salam mit en pratique hein, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et embarqua dans l'arche en disant à ceux qui étaient avec lui, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Fin du verset. Tous furent anéantis. Tous ceux qui avaient mécru et qui avaient traité de mensonge furent anéantis, furent détruits. Personne ne fut sauvé excepté Nuh alayhi salam ainsi que ceux avec lui sur l'arche. Même son propre fils, imaginez-vous, même son propre fils qui était parmi les négateurs et les désobéissants fut parmi les nombreux des noyés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَهِيَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ بْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّرْ كَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Dans la traduction approximative, et elle vogua, c'est-à-dire l'arche, en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui est resté en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Fin du verset. Et lorsque le peuple de Nuh, alayhi salam, fut anéanti, et que la surface de la terre disparut, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la terre d'absorber l'eau, et il ordonna au ciel de cesser de déverser de la pluie. Alors l'arche s'installa sur le Djoudi, une montagne. Ils disent les savants, cette montagne, elle se trouve en Irak, comme dit Cheikh Al-Fawzan dans l'explication. Wallahu a'lam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse, c'est-à-dire de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoudi. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Fin du verset. Donc Nuh alayhi salam, et ceux avec lui, descendit de l'arche, hein, avec la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses bénédictions. Les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Nuh et sur ceux avec qui ils étaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ. Il fut dit, ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés de ceux qui sont avec toi. Donc voici, qu'Allah vous fasse miséricorde, en résumé le récit du prophète et messager d'Allah, le premier des messagers, Nuh alayhi salam. Pour celui qui veut revenir, inshallah, dans le détail, qui revient au tafsir, hein, notamment au tafsir de l'imam Ibn Kathir, ahimahullah. Donc on revient au verset 11 de sourate Al-Haqqa, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit « Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya » C'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala, méditez ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ces versets ces bienfaits qu'il a donnés aux êtres humains, qui sont présents après Nuh alayhi salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a sauvés, en les transportant dans l'arche, dans les reins de leur père et mère. Soyez donc reconnaissants et louez Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a sauvés lorsqu'il a anéanti les injustes. Et tirez des leçons sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent son unicité et sa grandeur. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dans le verset numéro 12, « لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةً » afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Afin d'en faire, c'est-à-dire de l'arche, d'en faire pour vous un rappel. Quel est ce rappel? C'est-à-dire pour vous rappeler le premier arche construit et son récit, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé par cette arche Nuh alayhi salam et les croyants qui l'ont suivi. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a exterminé et anéanti tous les gens de la terre. Un rappel pour vous que toute oreille fidèle conserve. وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَا. C'est-à-dire c'est un rappel pour ceux qui raisonnent, afin que les doués d'intelligence méditent, car ils connaissent le but, l'objectif de ce récit, contrairement aux gens qui se détournent et aux insouciants, aux idiots et à ceux qui manquent de clairvoyance. Ceux-là ne tirent aucun profit des versets et signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, car leurs cœurs sont vraiment insouciants. Donc le récit de Nuh alayhi salam, barakallahu fikum, est donc une exhortation pour nous. Et il y a beaucoup de leçons à tirer, comme tous les récits présents dans le Coran, pour ceux bien sûr qui méditent et réfléchissent. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yasin, versets 41-42, وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Et un signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé, c'est-à-dire l'arche, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. C'est-à-dire ces bateaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour les intérêts des êtres humains, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour l'arche de Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette arche une exhortation, car la construction de bateaux est devenue une œuvre continuelle après Nuh alayhi salam. Et tout cela sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demandent bien sûr d'être reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets suivants, nous informe du jour du jugement et ses grandes frayeurs, dont le premier sera le souffle dans la trompe, quand Israfil soufflera une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de la sourate, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Puis quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe. C'est-à-dire le premier souffle, le souffle de la résurrection, lorsque les corps se reformeront, les âmes sortiront, chacune de ces âmes reviendra dans son corps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les créatures et ils seront tous rassemblés devant le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Et que la terre et les montagnes seront soulevés puis tassés d'un seul coup, subhanallah. C'est-à-dire que les montagnes se désintégreront comme des miettes. Elles disparaîtront et deviendront poussière et se mélangeront à la terre. La terre deviendra étendue sans aucune montagne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Taha, versets 105 à 107, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Fin des versets. Donc la terre sera étendue pour le rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite de sourate Al-Haqqa, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Ce jour-là, alors, l'événement se produira. C'est-à-dire, quand il se produira cela, ce qu'on a cité auparavant, alors l'événement se produira. C'est-à-dire, le jour du jugement arrivera. Quant aux cieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la suite, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَاهِيَ. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. C'est-à-dire, les cieux se déchireront après avoir été solides, forts et fermes, après avoir été un toit, ils se fondront et deviendront faibles et ne tiendront plus, comme l'argent fondu qui fond, à cause de son intense fébrilité, et cela en raison de ce grand jour. De ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَ. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. C'est-à-dire que les anges se tiendront aux extrémités et aux coins du ciel, en rang, soumis à leur Seigneur et à sa grandeur, attendant l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, ils porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Des anges, au summum de la puissance, ils porteront le trône, qui est la créature la plus grande et la plus vaste, le trône qui est le toit des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de lui, s'est élevé au-dessus de son trône, d'une élévation qui convient à sa majesté. Donc 8 anges porteront ce trône, dont seul Allah connaît la puissance de ces anges. Ce jour-là, ce jour lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra d'une manière qui lui convient, qui convient à sa majesté, d'une réelle venue, afin de juger entre ses serviteurs avec son équité, sa justice et sa grâce. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la suite de sourate al-Haqqa, يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. C'est-à-dire, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché, c'est-à-dire ni dans vos corps, ni en vous-même, ni dans vos actes, ni dans vos intentions, car Allah subhanahu wa ta'ala est le parfaitement connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. À lui seul, la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé, et de ce qui est manifeste. Et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Fin du verset. Donc les créatures seront tous rassemblées, pieds nus, dévêtus, sans vêtements, incirconcis, et dans une terre nivelée, sans montagne, sans rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, يَوْمَ إِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, les rétribuera selon ce qu'ils ont œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il va nous décrire la manière, dans les versets suivants, la manière dont ils seront jugés. Et inshallah ou ta'ala, on continuera, barakallahu fikum, à expliquer les prochains versets, hein, la semaine prochaine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets qu'on a pu voir aujourd'hui, nous montre les frayeurs du jour du jugement, nous montre ces frayeurs qui se passeront, et il est obligatoire, hein, d'y croire et de se préparer à cela en faisant des bonnes œuvres, en faisant le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant les péchés, les désobéissances et les mauvaises actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans ces versets des peuples qui ont traité de mensonges ce jour, ce grand jour, Al-Haqqa. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés et les a punis d'un châtiment terrible, afin de nous mettre en garde, hein, afin de nous mettre en garde contre cela. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. On se retrouve inshallah ta'ala pour la suite de l'explication de cette grande sourate Al-Haqqa, la semaine prochaine à la même heure inshallah. Hayyakumullah jami'an, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.